Extrait des aventures merveilleuses mais authentiques du capitaine Corcoran par Alfred Assolan. 29 septembre 1856. L'Académie des sciences de Lyon est en grand émoi. La société savante cherche en effet un candidat pour reprendre le flambeau de l'honorable professeur Delaroche, mort sans avoir achevé la quête à laquelle il avait consacré sa vie, celle du Guru Karamta, le livre sacré des hindous, caché depuis des millénaires aux confins de l'Inde. Un mystérieux jeune homme, qui se fait appeler capitaine Corcoran, se présente devant les académiciens réunis en séance. Mais un étrange tumulte gêne les discussions. Le capitaine Corcoran explique qu'il s'agit de sa jeune amie Louison, qu'il a laissée dans la salle voisine. « Mais, dit encore le président, quel est donc cet affreux vacarme? C'est encore, je suppose, mademoiselle Louison qui s'amuse. Allez la calmer un instant, monsieur, ou la menacer du fouet, car on ne peut plus y tenir. « Ici, Louison, ici !» s'écria Corcoran sans quitter son fauteuil. À cet appel, la porte s'ouvrit comme enfoncée par une catapulte, et l'on vit apparaître un tigre royal d'une grandeur et d'une beauté extraordinaires. D'un bond, l'animal s'élança par-dessus la tête des académiciens et vint tomber aux pieds du capitaine Corcoran. « Eh bien, Louison, eh bien, ma chère, dit le capitaine, vous faites du bruit dans l'antichambre, vous dérangez la société, c'est fort mal, couchez-vous, si vous continuez, je ne vous mènerai plus dans le monde. » Cette menace parut causer une terrible frayeur à Louison. Chapitre 1er. Louison fait son entrée. Mais quelle que fut l'émotion de Louison lorsque le capitaine Corcoran lui menaçait de ne plus la conduire dans le monde, à coup sûr, cette émotion n'approchait pas de celle dont furent saisis les membres de l'illustre Académie des sciences de Lyon. Et si l'on veut bien réfléchir que leur profession habituelle étant d'être savant et non de jongler avec les tigres du Bengale, peut-être ne leur sera-t-on pas mauvais gré d'avoir eu leur part de faiblesse humaine. Leur première pensée fut de regarder du côté de la porte et de se précipiter dans la salle voisine d'où ils comptaient gagner l'antichambre qui aboutit à un bel escalier par où l'on descend dans la rue. Là, il ne leur serait pas difficile de gagner du terrain, car un bon fantassin, lorsqu'il ne porte sur son dos ni vivres ni bagages, peut aisément faire 12 kilomètres à l'heure. Or, l'académicien le plus éloigné de son domicile n'avait guère plus d'un kilomètre ou deux à mesurer avant d'arriver au but, c'est-à-dire au coin de sa cheminée. Il avait donc de grandes chances d'échapper en quelques minutes à la société de Louison. Quelque long que semble ce raisonnement lorsqu'on l'écrit sur le papier, il fut fait avec une rapidité si grande et si unanime qu'en un clin d'œil, tous les académiciens se levèrent et voulurent prendre la fuite. Le président lui-même, bien qu'en toutes circonstances il dût donner l'exemple, et quand celle-ci eut montré tout le zèle imaginable, n'arriva pourtant que le 19e à la porte d'entrée, brisé par le choc de Louison. Mais personne ne s'avisa de franchir le seuil. Louison, qui s'ennuyait d'être enfermé, devina leur dessein et voulut elle aussi prendre l'air. En un clin d'œil, et d'un bond, elle passa pour la deuxième fois par-dessus leur tête et tomba justement devant monsieur le secrétaire perpétuel qui se hâtait de sortir le premier. Cet homme vénérable fit un pas en arrière et en aurait fait volontiers plusieurs autres si les pieds de ceux qui le suivaient n'avaient été un obstacle insurmontable. À la vérité, quand on vit que Louison servait d'avant-garde, tout le monde se hâta de reculer, et le secrétaire perpétuel fut dégagé. Sa perruque seule eut quelques faux plis. Cependant, Louison, toute joyeuse, avait pris le grand trot et se promenait dans la salle d'attente comme un jeune lévrier qui va partir pour la chasse. Elle regardait les académiciens avec des yeux vifs et pleins de malice et paraissait attendre les ordres du capitaine Corcoran. L'Académie fut fort indécise. Sortir n'était pas sûr à cause des caprices de Louison, rester était moins sûr encore. On se groupait ou on se pelotonnait dans un coin de la salle. On entassait fauteuil sur fauteuil pour former une barricade. Enfin, le président, qui était un homme sage, ainsi qu'on a pu en juger par ses discours, émit tout haut l'avis que le capitaine Corcoran ferait honneur et plaisir à tous les membres présents de l'honorable assemblée s'il consentait à filer par le chemin le plus direct et le plus court. Bien que le mot filet ne fût pas très parlementaire, Corcoran ne s'en offensa point, sachant bien qu'il est des minutes où on n'a pas le temps de choisir ses mots. « Messieurs, dit-il, je regrette bien vivement que... » Ne regrettez rien, au nom de Dieu, et partez !» s'écria le secrétaire perpétuel. « Je ne sais ce que votre Louison regarde en moi, mais elle me donne froid dans le dos. » Effectivement, Louison était fort intrigué. Dans la confusion de la mêlée, M. le secrétaire avait, sans y prendre garde, laissé glisser sa perruque sur son épaule droite, de sorte que le crâne paraissait tout nu aux yeux de Louison, et ce spectacle nouveau l'étonnait beaucoup. Courcouron s'en aperçut et, sans dire un mot, il montra le chemin à Louison et s'avança vers la seconde porte d'entrée. Mais cette porte était solidement barricadée en dehors, et pour comble de malheur, comme elle était en bronze, Courcouron lui-même n'aurait pu l'ébranler. Cependant, il fit un effort et donna un tel coup d'épaule que la porte et la muraille tremblèrent et que la maison tout entière en parut ébranlée. Il allait en donner un second, mais le président l'arrêta. « Ce serait bien pire, dit-il, si vous faisiez tomber la maison sur nos têtes. »« Que faire ? » dit alors le capitaine. « Ah, je vois un moyen. Nous allons passer par la fenêtre, Louison et moi. » Le président eut un mouvement de générosité. « Capitaine, dit-il, prenez garde. D'abord, il faut desceller les barreaux de fer. De plus, il y a 30 pieds depuis la fenêtre jusqu'au pavé de la rue. Vous allez vous casser le cou. Quant à votre vilain animal, chut, répondit Courcouron. Ne dites pas de mal de Louison. Elle est très susceptible. Elle se fâcherait. Quant au barreau, c'est peu de chose. Et en effet, il en arracha 3 presque sans effort apparent. Maintenant, ajouta-t-il, on peut passer. À vrai dire, l'académie était partagée entre la crainte de le voir se casser le cou et le plaisir de dire adieu à Louison. Courcouron s'assit sur la fenêtre et se disposa à descendre dans la rue en s'aidant des sculptures et des saillies de la muraille. Mais tout à coup le président le rappela. « Hé, dit-il, capitaine, est-ce que vous allez nous laisser seuls avec Louison ?»« Ma foi, répliqua Courcouron, il faut bien que quelqu'un passe le premier. Et jamais Louison ne sautera si je ne lui donne l'exemple. » Oui, reprit le président. « Mais si, quand vous serez descendu, Louison refuse de sauter. »« Ah, si le ciel tombait, répliqua Courcouron, bien des alouettes seraient prises. Une dernière fois, faut-il descendre, oui ou non ?»« Faites descendre Louison d'abord, dit le président. »« C'est juste, reprit Courcouron. Mais si je prends Louison par la peau du cou et si je la jette par la fenêtre, Louison, qui est fantasque, ne m'attendra pas. » Et se mettra à courir dans les rues, et dévorera peut-être 10 ou 12 personnes avant que j'aie pu venir à leur secours. Vous ne connaissez pas l'appétit de Louison. Et justement, il est 4 heures, elle n'a pas fait son lunch. Car elle fait son lunch tous les jours à 1 heure après-midi, comme la reine Victoria. Sabre et mitraille, elle n'a pas pris son lunch aujourd'hui. Ah, maudite étourderie! Au mot de lunch, les yeux de Louison étincelèrent de plaisir. Elle regarda l'un des académiciens, brave homme, bien portant, gros, gras, frais et rose, ouvrit et ferma 2 ou 3 fois les mâchoires et fit claquer sa langue d'un air de satisfaction. De l'académicien, son regard se porta sur Courcouron. Elle paraissait lui demander si le moment était venu de luncher. L'académicien vit ses 2 regards et pâlit. « Allons, dit Courcouron, je reste. Et toi, ma belle, ajouta-t-il en caressant Louison, tiens-toi tranquille. « Si tu ne lunches pas aujourd'hui, tu luncheras demain, parbleu. Il ne faut pas être sur sa bouche. » Ici, Louison gronda légèrement. « Silence, mademoiselle, » dit Courcouron, enlevant sa cravache. « Silence, ou vous aurez affaire à Sifflante. » Est-ce le discours du capitaine? Est-ce la vue de Sifflante qui calme la tigresse? Elle se coucha plat ventre en frottant sa belle tête contre la jambe de son ami en imitant le ronron des chats. « Messieurs, » dit le président, « je vous invite à vous rasseoir. Si la porte est fermée et barricadée, c'est sans doute parce que le portier est allé chercher du secours. Prenons patience en attendant, et si vous voulez, pour ne pas perdre de temps, examinons sur le champ le beau travail de notre savant confrère, M. Crochet, sur l'origine et la formation de la langue mandchoue. » « Il s'agit bien de mandchoue, » interrompit en grognant un des académiciens. « Je donne dans le mandchoue tous ses composés, tous ses dérivés, et par-dessus le marché, le japonais et le tibétain, pour me chauffer à l'heure qu'il ait les pieds au coin de mon feu. A-t-on jamais vu un coquin de portier comme celui-là? Brigand, je lui casserai ma canne sur les épaules. » « Je crois, suggéra le secrétaire perpétuel, que l'honorable assemblée ne jouit pas tout à fait du calme moral qui est si propre à favoriser les investigations de la science, en sorte qu'il paraîtra peut-être convenable de remettre à un autre jour l'affaire des mandchous. En revanche, s'il plaisait au capitaine de nous raconter par suite de quelles aventures, nous nous trouvons aujourd'hui face à face avec Mademoiselle Louison. » Oui, reprit le président. Capitaine, racontez-nous vos aventures et surtout l'histoire de votre jeune amie.